لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد pour commencer أخونا عيسى يعتذر il s'excuse, le frère Aïssa, il s'excuse, c'est lui qui devait donner cours, il s'excuse, car il ne pourra pas être là, mais il est là, donc je le remplace, pour continuer le sujet d'hier, qui est Sharh al-Ibana, d'Ibn Battah, de l'imam Ibn Battah, rahmatullahi alayhi, concernant le fait de s'asseoir avec les gens de l'innovation. Et deuxième chose, le frère Mahdi tout à l'heure, il a donné l'autorisation à certains frères d'enregistrer. Et ceux qui ont enregistré sans son autorisation, Inch'Allah qu'ils aillent le voir, barakallahu fikum. Qu'ils aillent le voir pour voir si ils peuvent garder son audio ou pas. Avec le frère Mahdi, ils vont voir avec lui, barakallahu fikum. فنستكمل ما بدأنا الأمس وذلك تتميما لقول المؤلف رحمه الله تعالى بالأمس فقال ولا تشاور أحدا من أهل البدع في دينك ولا ترافقه في سفرك وإن أمكنك ألا تقاربه في جوارك Donc le mu'allif, rahimahullah, on termine ce qu'on avait commencé hier. Et Ibn Battah, il a dit, rahimahullah, ne demande conseil à aucune personne des gens de l'innovation dans ta religion. Et ne prends pour compagnon aucun d'eux dans le voyage. Et si tu peux faire en sorte qu'ils ne s'approchent pas de toi dans ton voisinage, eh bien fais-le. فهذا الذي دعانا إلى ذكر الآثار بالأمس واليوم نستكملها. Et donc Cheikh il dit, Mohamed ibn Hadi al-Madkhali, il dit ceci, nous a poussé eh bien, à évoquer certaines paroles de Salaf hier et aujourd'hui. Nous allons terminer. Nous allons terminer sur ce sujet. فمن ذلك قول أبي الدرداء رضي الله عنه المشهور. Et parmi ces paroles de Salaf, il y a la parole de Abu Darda qui est connue. فقال من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومجلسه. Et parmi la compréhension pour connaître la personne, eh bien tu vois avec qui il marche, chez qui il va et avec qui il s'assied. Pour connaître une personne, il y a ces trois choses. Pour connaître une personne, tu vois avec qui il marche, chez qui il va et avec qui il s'assied. يعني مع من يمشي ومع من يدخل ومع من يجلس فتقيسه به. Donc voit avec qui il marche, voit avec qui ou chez qui il entre et avec qui il s'assied. Et à partir de là, tu peux faire l'analogie. Et tu peux le faire ressembler aux gens avec qui il marche, avec qui il s'assied et avec qui ou chez qui il entre. فإن كان يماشي أهل السنة فسني. S'il marche avec les gens de la sunna, eh bien il sera considéré comme un sunni. وإن كان يماشي أهل البدع فبدعي. Et par contre, s'il marche avec les gens d'innovation, eh bien il fera partie des gens d'innovation. وهذا ذكره أئمة السلف. Et ceci est évoqué par les imams des pieux prédécesseurs. Et l'imam Ibn Battah, il ramène cette parole fil ibana, walakin al kubra. Wa qala Ibn Aoun, Abdullah Ibn Aoun, Ibn Arthaban, rahimahullah, qala man yujalis ahl al bid'a ashad alayna min ahl al bid'a. Abdullah ibn Aoun, il dit: celui qui s'assied avec les gens de l'innovation, pour nous, est pire que les gens d'innovation. Celui qui s'assied avec les gens d'innovation, pour nous, est pire que les gens de l'innovation. Lima, pourquoi? لأن أهل البدع قد ظهر أمرهم وبان حالهم فالناس يتقونهم. Pourquoi? Parce que les gens d'innovation, leur situation elle est claire. On sait que c'est un innovateur. Leur situation elle est claire et les gens s'écartent d'eux et les craignent pour leur innovation. ولكن هذا يظهر أنه سني وعلى عقيدة أهل السنة وعلى طريقة أهل السنة. Mais quant à celui qui s'assied avec eux, celui-là, eh bien, il fait apparaître qu'il est sur la sunna et qu'il est sur la croyance des gens de la sunna et qu'il est sur le chemin de la sunna. وهو يجالسهم هذا أشد علينا منهم. Mais lui, il s'assied avec eux, avec les gens d'innovation, et celui-là est pire que les innovateurs dont la situation est claire. لماذا؟ لأن الاغترار والانخداع به أكثر. Pourquoi? Parce que les gens peuvent être encore plus trompés par cette personne et plus dupés par cette personne qu'une personne de l'innovation qui est connue clairement pour son innovation. يخدع العام ويخدع العوام. Et donc il trompe et il dupe la masse. فيخدعون به من ناحيتين. Et donc ils sont trompés par cette personne de deux côtés, de deux façons. الناحية الأولى أنهم يجلسون إلى أهل البدع. La première chose dans laquelle ils trompent les gens et la masse, c'est que justement il s'assied avec les gens d'innovation. Il a هذا الذي رأوه قد جلس إليه. Donc il s'assied avec les gens de l'innovation. ويقولون لو كان فيه شيء ما جلس إليه. Donc cette personne qui fait apparaître la sunna et qui s'assied avec les gens de l'innovation, la masse, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire: si la personne chez qui il s'assied avait quelque chose, eh bien cette personne ne se serait pas assise avec lui. ما جلس إليه فلان وهو سني ونحن نعرفه على السنة فيقعون بسببه. Donc si il n'était pas bien, il ne serait pas assis avec lui, un tel qui est connu pour la sunna, etc. Donc il tombe dans ce piège là. والثاني أنه يجرهم هو عن أهل السنة وطريقة أهل السنة في مباينة أهل البدع حتى يأتي بهم إليهم. Et la deuxième chose, c'est qu'il va les tirer avec lui. Il va tirer les gens de la sunna avec lui, qui pensent qu'il est vraiment, véritablement sur la sunna, vers eh bien, le chemin qui est différent, vers le chemin de l'innovation. لأنه إذا نصر وذب بعدما جالس وصاحب yusbihu mujanisan ala tariqatihim. Pourquoi? Parce que si la personne, après s'être assis avec les gens d'innovation, les défend et leur donne la victoire et les défend avec ardeur, eh bien obligatoirement il sera dans leur rang et fera partie de leur rang et suivra leur chemin. فَيَجُرُّ مَنْ خَضَعَ بِهِ مِمَّنْ يَعْرِفُهُ عَلَى السُنَّةِ قَدِيمًا فَيَقَعُ بِسَبَبِهِ. Donc il va tirer les gens qui pensaient qu'il était sur la sunna avec lui, et ils vont tomber dans le piège par sa cause. وقال بعضهم ايضا ويذكر هذا ايضا في الاسرائيليات عن سليمان عليه السلام انه قال لا تحكموا على احد بشيء حتى تنظروا من يخادن. Et certains salaf ils disent que ces paroles ou ce sens est évoqué également chez les enfants d'Israël, comme ceci est rapporté de Sulayman alayhi salam, qui dit: ne jugez pas une personne tant que vous ne voyez pas avec qui il est ami. Ne jugez pas la personne tant que vous n'avez pas vu ses amis. La tahkumu alayhi bi shay hatta tanzuru ila sahibi. Ne jugez pas cette personne tant que vous n'avez pas vu son compagnon et ses amis. Man huwa sahibu? Qui est son compagnon? Fa idha ra'aytahu 'araftahu bi sahibi. Si tu le vois, eh bien tu connaîtras et tu sauras qui il est de par eh bien sa compagnie, avec qui eh bien il est ami et avec qui il marche. Fa inna al-insan يخفي ما في نفسه فيسكت ولا يظهر. Se peut qu'une personne eh bien puisse cacher sa situation personnelle aux autres, c'est-à-dire elle se tait, elle dit rien, et on ne sait pas quelle est sa situation. Est-ce qu'il est sur la sunna ou est-ce qu'il est sur l'innovation? Ça on ne le sait pas s'il se tait. ولكن الصاحب يفضح. Mais son compagnon le dévoilera. Son compagnon le dévoilera. فكل شيء يكتم إلا الصحبة كما قال السلف وذكرناه بالأمس أظن كل شيء يكتم إلا الصحبة. Donc Cheikh dit que toute chose peut être cachée sauf ta compagnie. Tu ne peux pas cacher tes amis et avec qui tu traînes. أين تضع صاحبك؟ تضعه في بطنك. Où tu vas cacher ton compagnon? Tu vas le mettre dans ton ventre, comme il dit Cheikh. لابد وأن يمشي جنبا إلى جنب. Ton compagnon obligatoirement il va marcher à côté de toi. Les gens ils vont voir avec qui tu es. Tu peux pas le mettre derrière toi. Tu vas marcher avec lui. Et si il est sur la sunna, eh bien, on saura que tu es sur la sunna. Mais si eh bien celui que tu fréquentes assidûment est sur l'innovation, eh bien obligatoirement tu seras comme lui. Et on le verra pourquoi. فإذا رآك الناس مع القدر فأنت مثله. Si les gens te voient avec un qadari, eh bien tu seras comme lui. مع الجهمي فأنت مثله. Tu seras comme lui, comme le Jahmi si tu marches avec lui. مع الرافضي فأنت مثله. Et si tu marches avec un شيعي un رافضي, tu seras également comme lui. ما يمكن أن تقرب منه إلا وقد هان الدين في قلبك. Tu ne pourras pas t'approcher d'une personne ou de cette personne qui est sur l'innovation si ce n'est que la religion n'a plus de valeur à tes yeux. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. فَسِرْتَ تَرَى مَا هُوَ عَلَيْهِ لَا يُؤَثِّرُ بَعْدَ مُدَّةٍ وَإِذَا بِكَ مِثْلُهُ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ. Et tu penses en réalité que cette personne n'a aucun effet pour toi, yani celui qui est sur l'innovation avec qui tu marches, tu penses qu'il n'a aucun effet sur toi, mais sans t'en rendre compte, te voilà et bien devenu comme lui. Et que tu as la même pensée que lui et les mêmes innovations que lui. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. وَقَدْ رَأَى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه رجلا يمشي مع شخص يكرهه. علي رضي الله عنه a vu un homme marcher avec une autre personne qu'il n'aimait pas. فكره علي رضي الله عنه لهذا الرجل أن يصحب ذاك. علي رضي الله عنه a répugné que cette personne marche avec celle-là, parce que la personne avec qui il marchait n'était pas digne de confiance, elle n'était pas une bonne personne. فقال له فلا تصحب أخا الجهل وإياك وإياه. Il lui a dit ne prends pas pour compagnon l'ignorant, et prends garde à toi et prends garde à lui. يعني prends garde pour toi et prends garde à lui. فكم من جاهل أردى حليما حين أخاه. Combien d'ignorants ont égaré de bonnes personnes à partir du moment où ils les ont pris pour compagnons. يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه وللشيء على الشيء مقاييس وأشباه. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit on comparera une personne à une autre si elle marche avec lui. Et chaque chose est comparable et à des semblables. Et si tu marches avec une personne, eh bien obligatoirement, et que tu es assidu à marcher avec cette personne, tu seras comme lui. Tu seras comme lui. والعوام الآن, la masse aujourd'hui, عوام لا يقرؤون ولا يكتبون. إذا رأوك تمشي مع المنتقد يقول لك بالكلمة الفصيحة ما وجدت إلا هذا تمشي معه. Et aujourd'hui la masse, les gens du commun, s'ils te voient marcher avec une mauvaise personne, ils vont te dire, et ils n'ont jamais lu ça dans les livres ou quoi que ce soit, ils vont te dire tu n'as trouvé que cette personne avec qui marcher, une mauvaise personne. Même la masse, ils te le disent ça. أليس كذلك؟ لما؟ يعني la situation n'est-elle véritablement pas comme يعني le mentionne؟ Et ils te diront ça pourquoi؟ منكرا عليك أن تمشي مع من مماشاته إزراء إزراء بك فهذا قد كان عند السلف. Donc ils vont te dire cela par rejet du fait que tu marches avec cette personne avec qui, eh bien, tu ne dois pas marcher parce qu'elle est mauvaise. Et ça, c'est même l'awam qui te le disent, même la masse, le commun des gens qui ne savent ni lire ni écrire. Et ça, c'était connu également chez Salaf rahimahumullah. Wal-A'mash rahmatullahi alayh kanu la yas'aluna 'anil mar'i ba'da thalath. Ba'da thalath لا يسألون عنه إذا أبصر منه ثلاثة أشياء لا يسألون عنه. الأعمش رحمه الله qu'est-ce qu'il dit? Il dit quand on voyait trois choses chez une personne, et bien après on ne questionnait plus sur lui. Et on connaissait sa situation. On connaissait sa situation. Si on voyait trois choses chez cette personne, on connaissait sa situation, était claire. ممشاه ومدخله وإلفه من الناس من يألف ومع من يمشي ومع من يذهب ومع من يأتي. Donc s'il voyait avec qui il marchait, avec qui ou chez qui il entrait, et qui il avait comme ami, c'est-à-dire qui il prenait comme ami, qui avec qui il marchait, avec qui il allait ou avec qui il revenait, خلاص يعرفونا. À partir de ce moment-là, il connaissait sa situation. فقدم سفيان الثوري فقدم سفيان الثوري رحمه الله فيما يرويه يحيى بن سعيد القطان الإمام العلم يقول إن سفيان الثوري رحمه الله قدم البصرة. Il est rapporté par Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Il est rapporté que Soufiane Thawri, il est venu à Al-Basra. Wa Yahya huwa Basri. Yahya, il habitait, il était de la ville de Al-Basra. Wa Soufiane huwa Koufi, il était de Al-Koufa. Rahimallahu al-Jamia. فيقول لما قدم سفيان الثوري البصرة جعل ينظر إلى أمر الربيع. Quand سفيان الثوري est venu à البصرة, il a voulu connaître la situation de الربيع, يعني ابن صبيح السعدي. وجعل ينظر إلى قدره عند الناس. Et il a voulu voir sa situation et son importance auprès des gens. Donc il a questionné, il a dit quel est son minhaj. فقالوا له ما مذهبه إلا السنة. Ils ont dit son minhaj c'est la sunna. Son minhaj c'est la sunna. فقال سفيان سأل ثانيا. Il a posé une deuxième question. وقال من بطانته. Qui sont ses compagnons proches. Le bitana c'est les proches. On va expliquer. قالوا أهل القدر. Ils ont dit ses compagnons proches c'est les gens du qadar. Al-qadariya. فقال سفيان هو قدري. سفيان alors il a dit c'est un قدري. C'est un قدري. يجالس من يجالس القدرية. Avec qui il s'assied? Il s'assied avec القدرية. والقدرية قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشيعوهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit en parlant de l'Qadariya que ce sont les Majous, les mages de cette communauté, yani les Majous, qui ont fait deux divinités. Il dit que l'Qadariya, ce sont les Majous de cette communauté. S'ils tombent malades, ne les visitez pas. Et ça, c'est la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Et s'ils meurent, ne suivez pas leur cortège funèbre. وهؤلاء هم الذين ينفون علم الله عز وجل بالأشياء قبل حدوثها ولا شك أنهم كفار. Et cela, le Qadariya, il réfute la science d'Allah عز وجل. Et ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne sait pas la chose avant qu'elle ne se passe. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle se passe pour qu'Allah Azza wa Jal sache et connaisse et la science de cette chose. Ou'iyadu billah. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عيادتهم في المرض. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a interdit de les visiter quand ils tombent malades. وعن اتباع جنائزهم في الموت. Il a interdit de suivre leur cortège funèbre quand ils meurent. وقال عنهم أن إنهم مجوس هذه الأمة. فقال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم إنهم مجوس هذه الأمة لأنهم جعلوا إلهين. Il a dit que ce sont les Majous de cette communauté. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait deux divinités. فقالوا الإنسان يخلق فعل نفسه. Ils disent que la personne crée ses œuvres. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وأن الله لا يعلم فعل العبد حتى يفعله حتى يفعله. Ils disent que la personne ne connaît pas, ou Allah Azza wa Jal ne connaît pas la chose ou les actes ou les œuvres des personnes tant qu'elles ne l'ont pas faites. والعياذ بالله. فأصبح هناك من يخلق غير الله. Et donc ils ont fait de là on comprend et bien que il y a un autre créateur qu'Allah Azza wa Jal. Ils ont fait que la personne crée ses propres actes en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله العافية والسلامة. فأشبه المجوس الذين عندهم إله للخير ويرمزون له بالنور بالنار. Donc ils ont ressemblé aux majous qui ont deux divinités, une divinité pour le bien qu'ils représentent par le feu ou par la lumière. وإله للشر يرمزون له بالظلمة. Et une divinité du mal qu'il représente par les ténèbres. فالقدرية مثلهم. القدرية sont comme eux. الشر يخلقه العبد. Ils disent que le mal, il est créé par la personne. نعوذ بالله من ذلك. فقال فيهم صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة. Ils disent, le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit, القدرية sont les majous de cette communauté. إن مرضوا فلا تعودوهم. S'ils tombent malades, ne les visitez pas. وإن ماتوا فلا تشيعوهم. Et s'ils meurent, ne suivez pas leur cortège funèbre. فإذا كان قد نهينا عن زيارتهم حال المرض. Donc, il nous est interdit de les visiter lorsqu'ils sont malades. التي هي حق متأكد. Et le fait de visiter un malade musulman, c'est un droit que le musulman a sur son frère. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de visiter ces gens-là. ونهينا عن اتباع الجنائز لهم التي هي حق متأكد. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de suivre leur cortège funéraire, qui est un droit que le musulman a sur son frère musulman. فإذا من باب أولى لا يجالسون في حياتهم. Donc, si déjà on peut pas les suivre quand ils meurent et qu'on peut pas les visiter quand ils sont malades, alors comment s'asseoir avec eux quand ils sont vivants? وهذا الربيع كان يجلس معهم. الربيع, il s'asseyait avec eux et il les avait pour compagnons. فلهذا حكم عليه سفيان الثوري بأنه قدري. C'est pour cette raison que Sofiane al-Thawri, il a dit que c'est un qadari. Pourquoi? Parce qu'il s'asseyait avec le qadariya. فسفيان الثوري سأل عن الربيع بن صبيح ما مذهبه أي شيء مذهبه قالوا ما مذهبه إلا السنة. سفيان il a questionné quel est son منهاج. Il a dit, ils ont dit c'est la sunna. يعني كان يظهر السنة. Il laissait paraître la sunna. وسأل السؤال الثاني من هم بطانته. Qui sont ses compagnons proches. Il a questionné la deuxième question. Qui sont ses compagnons proches. يعني من هم جماعته. Quel est son groupe. أصحابه. يعني quels sont, qui sont, eh bien, ses compagnons et ses amis. Et avec qui il s'assied. جلساؤه. لأن البطانة هم اللاصقون بك. يعني البطانة en arabe, tes compagnons, c'est ceux qui sont proches de toi, qui sont tout le temps avec toi, tes amis proches. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. الجوع إذا نام معك ما يمكنه أن تنام يؤذيك ويقلقك في فراشك. Prophète صلى الله عليه وسلم, qu'est-ce qu'il dit? Il dit au Seigneur, je te demande protection contre la faim, car il te ne laisse, c'est un mauvais compagnon du sommeil. C'est-à-dire que quand tu as faim, quand tu dors, la faim ne te laisse pas dormir quand elle t'accompagne dans ton sommeil. Et elle va être néfaste, elle va te causer du tort, elle ne va pas te laisser dormir. فشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالضجيع الذي يؤذي ضجيعه فلا يريحه. Prophète صلى الله عليه وسلم, il a fait ressembler cette faim, eh bien, à un mauvais compagnon qui ne te laisse pas dormir. وقال ثم قال بعد ذلك وأعوذ بك من الخيانة. Ensuite, après cela, il a dit, Prophète صلى الله عليه وسلم, je te demande protection contre la tromperie. فإنها بئسة البطانة. Car la tromperie est une mauvaise compagne. El البطانة ما كانت ملتصقة بالبطن يعني قريبة منك لا ثقة فيه. البطانة كما نادي eh bien, c'est quelque chose qui est proche de toi, qui est accroché à ton ventre. Et ça, c'est une métaphore pour montrer qu'elle est proche de toi. ومنه البطان الذي يجعل للدابة من الأعلى من الجنب إلى الجنب من الأسفل فيسمى هذا بطانة لأنه ملتصق بالبطن. Et c'est pour cette raison que le bitan en arabe c'est une sangle ou une sous-ventrière qu'on met sur les animaux et sur les montures et on l'appelait bitana parce qu'il est accroché au ventre, il est proche du ventre, il est accroché une sanglière, une sangle ou une sous-ventrière qu'on accroche eh bien, au ventre pour montrer la proximité. Ce mot-là, bitan, il vient pour montrer la proximité d'une chose à une chose. فَهَاُولَا الْبِطَانَ لِقُرْبِهِمْ مِنْكْ شُبِّهُ بِهَذَا. Donc c'est pour cette raison que en arabe on dit بطانة parce qu'ils sont proches de toi, tes compagnons proches. فَقَالَ مَنْ بِطَانَتُهُ قَالُوا أَهْلُ الْقَدَرِ قَالَ هُوَ قَدَرِي. Donc ils lui ont dit qui est ça, qui sont ses compagnons proches. Ils ont dit ce sont le Qadariya, les gens du Qadar. Alors il a dit et il a jugé que c'était un Qadari. فَصَدَقْ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَّقَ هَذَا أَوْ عَلَى هَذَا ابن بطة المصنف في إبانته الكبرى. Il a eu raison. Il a été véridique. Sufyan al-Thawri ibn Batta ramène cela fil Ibn al-Kubra et il en parle. فقال صدق سفيان الثوري. Il dit Sufyan al-Thawri a été véridique. لقد نطق بالحكمة فصدق. Il a parlé avec la sagesse et il est véridique. وقال بالعلم فوافق الكتاب والسنة. Et il a parlé avec la science et il a été conforme au livre et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وما توجبه الحكمة ويدركه العيان ويعرفه أهل البصيرة والبيان. Et il a dit et il a atteint la sagesse et il a atteint des choses que seuls les gens du discernement connaissent. ويقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لو أن الناس جمعوا في صعيد واحد كلهم مؤمن وفيهم كافران تألف أحدهما إلى الآخر. ابن مسعود رضي الله عنه qu'est-ce qu'il dit? Il dit si les gens étaient réunis dans un même endroit, si les gens étaient réunis dans un même endroit et ils sont tous croyants et dans tous ces gens il n'y a que deux mécréants, il n'y a que deux mécréants, eh bien un des deux mécréants se sera rapproché de l'autre, les deux mécréants se sera rapproché l'un de l'autre. لو أن الناس جمعوا كلهم في صعيد واحد كلهم مؤمنون وفيهم كافران لذهب هذا إلى هذا. Si tout le monde ici était croyant et qu'il y avait deux mécréants, que deux mécréants, eh bien il se sera rapproché l'un de l'autre. أوى إليه ولو لم يكن يعرفه من قبل. Il serait réfugié et il serait allé vers lui même s'il ne le connaissait pas avant. لأن القلوب تدر بعضها. Pourquoi? Parce que les cœurs s'attirent les unes les uns les autres. Les cœurs s'attirent les uns les autres. ويقول ولو أن الناس جمعوا في صعيد واحد كلهم كافر وفيهم مؤمنان تألف أحدهما إلى صاحبه. Il dit également, ou il dit Ibn Mas'ud رضي الله عنه également, si tous les gens étaient réunis dans un seul endroit et que tous ces gens étaient tous mécréants et qu'il n'y avait que deux croyants, eh bien les deux croyants se seraient retrouvés l'un l'autre et se seraient rapprochés l'un l'autre. وَصَدَقَ رَحِمَهُ اللَّهِ. Et Wallahi, il a été véridique. وذلك لأن القلوب لها تأثير والأرواح لها تأثير فشبيه الشيء منجذب إليه. Il a été véridique, car les cœurs font effet les uns sur les autres. Les cœurs font effet les uns sur les autres. Et les âmes font effet les unes sur les autres. Les choses attirent leurs semblables. Les choses attirent leurs semblables. هذا إلى هذا وهذا إلى هذا. Donc, une chose qui est semblable à l'autre, elle va l'attirer. Et une chose qui est semblable à une autre, elle va l'attirer. Un mécréant, il va attirer le mécréant. Un croyant, il va attirer le croyant. Un moubtadi', il va attirer le moubtadi'. Un sunni, il va attirer le sunni. ثم ساق بعد ذلك بسنده رحمه الله في إبانته الكبرى قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. Et ensuite Ibn Battah Ghaman avec son isnad في الإبانة الكبرى, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour appuyer cela, que eh bien, les cœurs s'attirent les uns les autres. Ceux qui sont pareils, eh bien, s'attirent. Les semblables s'attirent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit les âmes sont des soldats regroupés. Les âmes sont des soldats regroupés. L'arwah junudun mujannada. Celles d'entre elles qui se ressemblent seront en harmonie et s'attireront. Et celles d'entre elles qui ne sont pas semblables seront dans la discorde et s'écarteront. Et ça, c'est les paroles de qui? Du prophète. عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه الأرواح جنود مجندة تلتقي تتشاءم كما تتشاءم الخيل فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. Et il est rapporté d'après Ibn Mas'ud radiallahu anhu également que les âmes sont des soldats regroupés. Quand elles se rencontrent, elles se sentent comme les chevaux se sentiraient. Celles qui sont semblables se rapprochent et celles qui sont différentes se séparent. وجاء أيضا عنه علي بن مسعود رضي الله عنه لو أن مؤمنا دخل مسجدا فيه مئة نفس ليس فيهم إلا مؤمن واحد لجاء حتى يجلس إليه. Il est rapporté également que si un croyant rentre dans la mosquée et qu'il y a dans cette mosquée 100 personnes et qu'il n'y a dans cette, parmi ces 100 personnes qu'un croyant, eh bien il se serait et il serait venu vers lui et ça serait directement vers lui. ولو أن منافقا دخل مسجدا فيه مئة نفس ليس فيهم إلا منافق واحد لجاء حتى يجلس إليه. Et s'il y avait dans cette mosquée 100 hypocrites, 100 personnes, et qu'il n'y avait parmi ces 100 personnes qu'un seul hypocrite, et que cette personne qui rentre est un hypocrite, elle irait vers cet hypocrite-là, parmi ces 100 personnes. وذلك لأن العبد بإحساسه يعرف من هو على شاكلته بالأنظار والوجوه. Pourquoi? Parce que la personne, par son ressentiment et par sa perception qu'Allah Azza wa Jalla lui a donnée, elle reconnaît ceux qui sont semblables à lui. Et ça, vous le savez tous. Une personne, eh bien, qui est semblable à toi, subhanallah, tu vas être attiré par elle directement. De par le regard ou de par le visage. فالقلب يدلك على الظاهر فتجده يأوي إليه. Ton cœur, eh bien, va te guider à l'apparence de la personne qui est semblable à toi. Et tu vas, eh bien, aller vers lui directement. فلو نزل مئة شخص في هذا المسجد وليس فيهم إلا منافق واحد وجاء هذا المنافق لأوى إليه. S'il y avait 100 personnes dans cette mosquée et qu'il n'y avait qu'un seul hypocrite dans cette mosquée et qu'un autre hypocrite rentre, il va aller directement vers son compagnon l'hypocrite. ولو جاء مئة شخص كلهم منافقون في هذا المسجد وما فيه إلا مؤمن واحد وجاء هذا الإنسان المؤمن لأوى إليه. Et si par contre il n'y avait que des hypocrites dans cette mosquée et il n'y avait qu'un seul croyant parmi ces hypocrites et un autre croyant rentrait dans cette mosquée, il irait directement et il serait attiré directement vers ce croyant. لأنه يعرف بما أو يعرف بما جعل الله عز وجل في قلبه من النور من نور الإيمان. Pourquoi? Parce qu'il serait reconnu par ce croyant, parce qu'Allah عز وجل lui a mis comme lumière dans son cœur, la lumière de la foi. فلا ينجذب إلا إلى من كان على شاكلته. Et il ne sera attiré que par ceux qui sont semblables à lui. وذاك بما جعل في قلبه من شؤم البدعة والمعصية فلا ينجذب إلا من كان على شاكلته. Et pareil pour l'hypocrite, parce qu'Allah Azza wa Jal sera attiré par le mal que l'autre personne a mis dans le cœur, dans son cœur. Par le mal de l'innovation et par le mal de la désobéissance. Et il ne sera pas attiré par une autre personne que par celle-là. فيهرب من أهل الخير ويهرب من أهل السنة. Et donc il fuira des gens du bien et il fuira des gens de la sunna. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal fera en sorte qu'il est attiré que par les gens du mal et par l'innovation et par la désobéissance. ويأوي إلى أهل الفسق ويأوي إلى أهل البدعة. Mais il sera attiré par les gens pervers et les gens de l'innovation. عياذا بالله. ويقول سعيد بن جبير رحمه الله يقول سعيد بن جبير رحمه الله واسمعوا إلى هذا الأثر. سعيد بن جبير رحمه الله يدي الشيخ محمد بن هاد المدخلي يدي écoutez bien cette parole. فإنه هذا الأثر يرد على بعض المتكلمين اليوم. يقول سعيد بن جبير وهذا ذكره المصنف هنا في الإبانة التي بين أيدينا كما قال الشيخ فقال لأن يصحب ابني سعيد بن جبير il dit et cette parole réfute certaines personnes qui parlent aujourd'hui et qui disent le contraire. Il dit Saïd ibn Jubayr لأن يصحب ابني لأن يصحب ابني يعني يصاحب ولدي ابني فاسقا شاطرا سنيا أحب إلي من أن يصحب عابدا مبتدعا. Il dit je préférerais que mon fils, son propre fils, fréquente un pervers fourbe mais qui est sur la sunna qu'il ne fréquente une personne, un adorateur qui est sur l'innovation. لو يصحب ابنك شارب الدخان أو شارب الخمر خير من أن يصحب الرافضي. Que ton fils est bien fréquente, une personne qui fume ou qui boit de l'alcool est meilleure pour lui qu'il ne fréquente eh bien un rafidi. لأن الرافضي يضله في أصل دينه. Pourquoi? Parce que le rafidi il l'égarera dans le fondement de sa religion. أما هنا يبقى على السنة وعلى التوحيد وعلى الإيمان. Mais s'il fréquente une personne qui boit de l'alcool ou qui fume des cigarettes ou autre, eh bien ton fils restera sur la sunna et restera sur le tawhid ou l'iman, même si sa foi elle baisse. Alors que si il fréquente un rafidi ou un mubtadi', eh bien il l'égarera dans le fondement de sa religion, dans les fondements et dans les bases de sa religion. وهذا عصيان ومعصية أمره أخف من البدعة فضلا عن الشرك. La désobéissance et le fait de désobéir à Allah Azza wa Jal, c'est moins grave que de faire des innovations. C'est moins grave que de faire des innovations. نعوذ بالله من ذلك. فهذه المقالة من هذا التابعي الجليل. Et donc cette parole, elle vient, elle est rapportée de Saïd ibn Jubayr, un tabi'i. وهو تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما. Et c'est l'élève d'Ibn Abbas رضي الله عنهما. يقول سعيد بن جبير لأن يصحب ابني فاسقا شاطرا. الشاطر هو الذي أعيا أهله خبثا. الشاطر en arabe c'est celui qui est fourbe, qui est vicieux, dont la famille en a marre tellement il est pervers, il est vicieux. لأن يصحب ابني فاسقا شاطرا سنيا. Hein? Donc que mon fils, il dit, fréquente un pervers, fourbe, vicieux, mais qui est sur la sunna, yani qui, dans sa croyance, est sur la sunna. الشاهد انظروا كيف فضل صحبة ابنه لو حصلت عياذا بالله لكن لو حصل هذا الشر فلأن يصحب ابنه فاسقا شاطرا لكنه سني في اعتقاده خير من أن يصحب عابدا مبتدعا. Donc il dit, si mon fils devait fréquenter quelqu'un, je préférerais qu'il fréquente une personne qui est sur la désobéissance d'Allah Azza wa Jal, qui est pervers, qui est vicieux, qui est fourbe, mais qui est sur la sunna. Qu'il ne fréquente une personne qui est sur l'innovation et qui adore Allah Azza wa Jal et qui est pieux, etc. Lianna عبادة المبتدع لا تنفعه. Pourquoi? Parce que l'adoration de l'innovateur, eh bien, ne lui est d'aucune utilité. Même s'il fait toutes les adorations qu'il veut, si elles ne sont pas conformes à l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, eh bien, elle est rejetée. كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Celui qui fait une œuvre qui ne fait pas partie de ce que nous avons légiféré, eh bien, cette œuvre lui est rejetée. فهذا قول سعيد بن جبير رحمه الله. فإذا مجالسة أهل الأهواء شر ومصاحبتهم خطر عظيم. Donc de là on comprend que le fait de s'asseoir avec les gens de l'innovation et des passions est un mal, et le fait que tu les prennes pour compagnons est un grand danger. الفاسق تراه يدخن تأتي إليه فتقول يا أخي الدخان مضر بصحتك وبدنك. يقول لك هذا العاصي ادعو الله لنا بالهداية. Parce que le pervers, tu le vois, et bien il fume. Et tu vas le voir et tu lui dis, oh, tu sais très bien que la cigarette c'est néfaste pour ta santé et pour ton corps. Alors qu'est-ce qu'il te dirait? Il te dirait, demande Allah Azza wa Jal, invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour moi, qu'il me guide. Il va te dire ça. ما يقول لك هو حلال. Il va pas dire ça, la cigarette non c'est halal. Il sait très bien que c'est haram. تأتي إليه وقد شرب مسكر أو مسكرا. Tu vas le voir et il est en train de boire de l'alcool. Ou il a fini. Ou أفاق. Et il s'est réveillé de la situation dans laquelle il est. فيقول لك ادعو الله لي أو لنا بالهداية. Il va te dire pareil, la même chose. Fais dua pour moi. Qu'Allah Azza wa Jalla me guide. تأتي إليه يستمع الأغاني. وكثيرا ما رأينا وحصل لنا مع من حدثناهم يا والدي الأغاني حرام. Et pareil pour ceux qui écoutent la musique. Tu vas le voir et tu lui dis الأغاني حرام لا تجوز. Il va dire la musique c'est interdit. Ce n'est pas permis, c'est illicite. فيقول لك يا عمي ادعو الله لنا نحن شباب ادعو الله ان يهدينا. Tu vas dire fais des invocations pour moi. Invoque Allah Azza wa Jal pour moi, on est des jeunes, qu'Allah Azza wa Jal nous guide. يعترف معترف بأن هذا خطأ. Il sait très bien qu'il est dans l'erreur. Il sait très bien qu'il est dans l'erreur. ولكن صاحب البدعة هو يدعوك يراها دين ويراك أنت على ضلالة. Alors que l'innovateur, celui qui fait des innovations, lui il va t'inviter à ton innovation. Dire mais non, ce que je fais c'est bien. Pourquoi ? Parce qu'il pense que ça fait partie de la religion. Et il pense que tu es sur l'égarement. Donc il va t'inviter à son égarement et à son innovation. Donc il y a une différence entre l'innovateur et le pervers. Le pervers, il ne va pas diverger de toi dans le fait que ce qu'il fait est illicite et interdit. فيراك على غير ما هو عليه وما هو عليه يراه هو الدين. Alors que l'innovateur, il pense que toi tu es sur l'égarement et que lui la chose sur laquelle il est, c'est la vérité et c'est la religion. فنعوذ بالله من ذلك. ويقول الفضيل بن عياض رحمه الله الأرواح جنود مجندة. الفضيل رحمه الله il dit que en rapportant le hadith du prophète عليه الصلاة والسلام il dit que les âmes sont des soldats regroupés. ثم قال ولا يمكن أن يكون صاحب سنة يمارئ صاحب بدعة إلا بالنفاق. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il est impossible qu'un sunni, une personne qui est sur la sunna, soit d'accord avec un innovateur sur un des sujets de la religion, sauf s'il a de l'hypocrisie, du nifaq. Wal'iyadu billah. Il est impossible qu'une personne sur la sunna soit d'accord avec un innovateur, sauf si cette personne en réalité a du nifaq. Al-arwah جنود مجندة فما تعارف منها أتلف وما تناكر منها اختلف ثم قال ولا يمكن أن يكون صاحب السنة يمارئ صاحب البدعة أو صاحب بدعة إلا بالنفاق ما يمكن أن يتفق معه إلا أن يكون منافقا ينافقه نعوذ بالله على ما هو عليه Donc il ne peut pas être d'accord avec lui sauf si en réalité il a du nifaq, l'hypocrisie ou sauf s'il tire un avantage et un intérêt de cette personne. Parce que certains frères qui se disent salafi, ils fréquentent les gens d'innovation et ils restent avec eux parce qu'ils ont des intérêts dunyawi avec eux, wal'iyadu billah. كما هو الآن في هذا الزمن كما يقول الشيخ كما ceci est effectif à notre époque نسأل الله العافية والسلام. ويقول أيضا من جلس مع صاحب بدعة فاحذره. الفضيل بن عياض il dit celui qui s'assied avec une personne de l'innovation prend garde à lui. Fais attention à lui. Fais attention à lui. لأن أول ما يدخل عليه النقص في المجالسة أليس كذلك؟ بلى. كما تقدم معنا بالأمس. من جلس مع صاحب بدعة فاحذر. Pourquoi? Parce que la première chose qui fait diminuer ta religion, c'est le fait de s'asseoir avec les innovateurs. La première chose qui fait que ta religion va diminuer jusqu'à te mener avec eux dans l'innovation, c'est le fait de t'asseoir avec eux. Comme nous avons dit dit ça, comme nous avons évoqué cela hier. Donc c'est pour cette raison qu'ils disent celui qui s'assied avec un innovateur, prends garde, fais attention à lui. Fais attention à lui. وقيل للأوزاعي رحمه الله إن رجلا يقول أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدعة فقال الأوزاعي هذا رجل يريد أن يسوي بين الحق والباطل. On a dit à l'Auza'i, à l'imam l'Auza'i, rahimahullah, il y a un homme qui dit, je m'assieds avec les gens de la sunna et aussi je m'assieds avec les gens de l'innovation. Alors qu'est-ce qu'il a dit l'Auza'i, rahimahullah? Il dit, cet homme, cette personne, veut mettre d'égal à égal la vérité et le faux. La vérité et le faux, il veut les mettre d'égal à égal. ماذا يذهب بك إلى أهل البدعة وأهل الحق موجودون؟ Qu'est-ce qui te pousse à aller vers les gens de l'innovation alors que les gens de la vérité sont présents? أهل السنة موجودون إلا وقد وقع في قلبك شيء نسأل الله العافية والسلامة. Les gens de la vérité sont présents. Les gens de la sunna sont présents. Et tu te détournes d'eux? Et tu vas vers les gens de l'innovation parce que tu as des ambiguïtés. La seule chose qui fait que tu vas vers les gens de l'innovation, c'est que tu as des ambiguïtés qui font que, eh bien, tu es attiré vers eux. وقد علق على هذا القول من الأوزاعي المصنف في إبانة الكبرى. الإمام ابن بطة il parle de cette parole de l'imam al-Auza'i fi l'Iban al-Kubra wa yaqul sadaqa al-Auza'i. Il dit l'Auza'i est véridique dans cette parole. Wa zada alayhi fa qala, il rajoute de sa, dans sa parole et il dit wa aqulu hadha ar-rajul la ya'rifu al-haqq min al-batil wa la al-kufr min al-iman. Et il dit que cet homme qui fait cela, qui s'assied une fois avec les gens d'innovation et les gens et une fois avec les gens de la sunna, il dit, je dis, cet homme ne connaît et ne discerne pas le vrai du faux et la mécréance de la foi. وفي مثل هذا نزل القرآن ووردت السنة عن المصطفى. Et c'est envers ces personnes qu'a été révélé certains versets du Coran et certaines paroles du prophète, de l'élu Muhammad alayhi salatu wassalam. ثم ذكر قول الله تعالى في المنافقين. Et ensuite il évoque la parole d'Allah Azza wa Jal dans les, qui concerne les hypocrites et il dit, يقول الله عز وجل وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. Et ensuite il rapporte la parole d'Allah Azza wa Jal qu'on va traduire approximativement. Et quand ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent nous croyons. Et quand ils sont avec les gens de la vérité, nous sommes avec vous, on croit. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ. Mais quand ils sont, ils se retrouvent avec leur diable, avec les mécréants ou avec les gens d'innovation, ils disent nous sommes avec vous, nous ne faisons que nous moquer d'eux. Il y a ni des croyants, de ceux qui sont sur la vérité. جاءوا لأهل السنة قالوا نحن معكم. Ils sont venus voir les gens de la sunna, ils ont dit nous sommes avec vous. وإذا رأوا أهل البدعة وإذا رأوا أهل البدعة وحصلت لهم الفرصة جلسوا معهم. Et quand ils ont vu les gens d'innovation et que l'occasion leur a été donnée d'aller les voir, ils s'assied avec eux. ففيهم شبه بالمنافقين. Donc ils ont les ambiguïtés et ils ont une ressemblance avec les hypocrites qui, eux, quand étaient avec les croyants, avec le prophète alayhi salatu wassalam, ils disaient Amen, on est des croyants. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم. Et quand ils vont avec leur diable, les mécréants, ils disent non, on est avec vous en vérité, on ne croit pas. Mais on se moque d'eux. pareil par certains frères qui s'assiedent une fois avec les gens de la sunna, et une fois ils vont avoir des gens qui ont des ambiguïtés. Et ça, eh bien, c'est jouer avec sa religion. نعوذ بالله من ذلك ثم ساق بإسناده بعد ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين. Ensuite ابن مطة mentionne après cela, il a donné la preuve du Coran, et ensuite il donne la preuve de la Sunna. Il ramène le hadith d'Ibn Umar dans Sahih Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit l'exemple de l'hypocrite est comme l'exemple d'un mouton hésitant entre deux troupeaux. تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة لا تدري أيهما تتبع. L'exemple de l'hypocrite est comme un mouton qui est hésitant entre deux troupeaux. Une fois il va brouter avec celui-là et une fois il va brouter avec l'autre troupeau. Et il ne sait pas lequel suivre. Et il ne sait pas lequel suivre. فهذه حاله الذي يجالس أهل البدع. Et ça c'est la situation de ceux qui s'assied avec les gens d'innovation. ويزعم أنه سني. Et il prétend être sur la sunna. ويجالس أهل السنة. حاله مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Sa situation est semblable à ce qu'a dit le prophète عليه الصلاة والسلام dans ce hadith. Comme un mouton qui est désemparé et qui est douteux. Il ne sait pas avec quel troupeau aller, celui-là ou celui-là. Une fois il va brouter avec celui-là et une fois il va brouter avec l'autre. Il ne sait pas lequel suivre. Ha'ira, mutaraddida, désemparé, dans le doute. Saqitatun, la tadri, tadhhabu ila hadha ou ila hadha. Il ne sait pas, soit il va avec ce groupe-là, avec la sunna, soit il va avec les frères salafis, soit il va avec les frères ambigus. Nas'allah salamata wa al-afiyah. Wa al-hadith hadha fi sahih muslim. وعلق المصنف رحمه الله في إبانة الكبرى يقول كثر هذا الضرب من الناس في زماننا ما كثرهم الله. Également il mentionne une autre il rajoute une autre parole Ibn Battah concernant ce sujet et il dit que ce genre de personnes se sont multipliées à son époque. Il parle de son époque, fils d'Amanina. À son époque. Qu'Allah Azza wa Jal ne les multiplie pas. Ne fasse pas qu'ils se rajoutent en nombre. Il invoque Allah Azza wa Jal pour qu'ils ne se propagent pas encore plus. Donc il dit dans son siècle, au 4e siècle, Ibn Battah il a vécu au 4e siècle de l'Égypte. Et aujourd'hui on est au 15e siècle de l'Égypte. Et entre son époque et notre époque, il y a à peu près 1066 ans après. ويقول هذا الكلام في ذلك الحين. Il dit cette parole à son époque, au 5e siècle, au 4e siècle de l'Égypte. لقد كثر هذا الضرب في الناس في زماننا لا كثرهم الله. Il dit que cette sorte de cette catégorie de personnes s'est multipliée à son époque. Qu'Allah Azza wa Jal fasse qu'il ne se multiplie plus. أجل ما نقول نحن اليوم. Donc nous il disait ça à son époque. Qu'est-ce qu'on doit dire nous à notre époque? Si lui au 4e siècle il disait ça, qu'est-ce qu'on doit dire nous aujourd'hui? Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. هذا الطابور المخذل اليوم، نسأل الله السلامة والعافية، هؤلاء هم الذين يفتكون بأهل السنة. Donc cette sorte de personnes, ce sont eux qui assaillent les gens de la Sunna et qui assaillent et qui assaillissent les gens qui ont la croyance authentique. وهم والله أضر عليهم من أهل البدعة الظاهري. Et donc ces gens-là qui s'assiedent entre eux, qui sont hésitants et qui montrent la Sunna et qui en réalité font partie des gens d'innovation comme le Haddadiyya par exemple, ceux-là sont plus néfastes pour les gens de la Sunna que le sont les gens d'innovation qui sont clairs. يقول رحمه الله كثر هذا الضرب من الناس في زماننا لا كثرهم الله وسلمنا الله وإياكم من شر المنافقين. Et il dit qu'Allah Azza wa Jal nous épargne et nous préserve ainsi que vous du mal des hypocrites وكيد الباغين et de la ruse des tyrans ولا جعلنا الله وإياكم من اللاعبين بالدين ولا من الذين استهوتهم الشياطين. Et qu'Allah Azza wa Jal ne fasse pas que nous soyons parmi ceux qui jouent avec leur religion. Parce que le fait d'aller un tel et à manger et de manger à tous les râteliers, ça c'est jouer avec la religion. Chaque personne qu'il voit sur la sunna, il va avec lui. Ah, mashallah, ihtasibu ala khair. Je pense qu'il est bien, mashallah. Je le vois, il est à la sunna. Qulu qala Allah, qala Rasul, sallallahu alayhi wa sallam. Mashallah, il est bien. Et tu vas avec lui, tu l'écoutes et il te met des shubahat. Wa taqa'a fi bid'ati. Et tu tombes dans sa bid'a. Ça, c'est tu joues avec ta religion. Tu te renseignes. Tu vois, c'est qui? Est-ce que il est connu ou pas? Et il dit qu'Allah Azza wa Jal nous préserve d'être dominés et égarés par les diables. الذين ارتدوا ناكصين. Ceux qui se sont retournés, qui sont retournés sur leurs arrières. هذا في إبانة الكبرى. Et ceci est mentionné par Ibn Battah في الإبانة الكبرى. رحمه الله تعالى. وهذا كله معاشر الإخوة والأبناء في من يجالس أهل البدع. Et tout ceci, tout ce qui a été ramené hier et aujourd'hui, c'est ceux qui s'assiedent juste avec les gens d'innovation. Juste tu t'assieds et t'écoutes. مجرد مجالسة فقط. Juste le fait de s'asseoir. فكيف بمن يتخذهم أصحابا وأخدانا. Et que dire alors de ceux qui sont leurs amis intimes et leurs compagnons. كيف بمن يدافع عنهم ويجادل عنهم. Et que dire de ceux qui les défendent et qui conjecturent en leur faveur. لا شك أن هذا منهم بلا شك. Celui qui les défend et qui conjecture en leur faveur, celui-là, sans aucun doute, il fait partie d'eux. Sans aucun doute. لا شك في ذلك. لأنه قد صرح بصريح نطقه بلسانه بالذب عن هؤلاء. Pourquoi? Parce que celui-là, eh bien, il l'a dit avec sa langue, il les défend, donc il est avec eux. Si tu défends quelqu'un, c'est que tu es avec lui. والله جل وعلا يقول ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit dans la traduction approximative? Et ne discute pas en faveur de ceux qui se trahissent eux-mêmes. فهؤلاء لا يجادل عنهم إلا من كان منهم. Cela ne conjecture en leur faveur que ceux qui sont avec eux. Ne les défendent que ceux qui sont avec eux. Tu ne peux pas défendre quelqu'un si tu n'es pas avec lui. Tu défends la personne si tu es avec lui. Tu ne peux être qu'avec lui si tu la défends. وقد سئل الشيخ شيخ الإسلام في هذا الزمن رحمه الله الشيخ Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah, cheikh ou l'islam de cette époque, cheikh ibn Baz, rahimahullah, a été questionné. On l'a questionné. سؤالاً عن من يدافع عن أهل البدع. On l'a questionné sur celui qui défend les gens de l'innovation. هل يعد منهم. Est-ce que, eh bien, il fait partie d'eux. Est-ce qu'on le dénombre parmi eux. فقال رحمه الله هذا منهم. Il a dit, rahimahullah, il fait partie d'eux. Il fait partie d'eux. هذا داع لهم. Et il dit également, s'il les défend, il invite à eux. بلا شك, sans aucun doute, هذا منهم. Sans aucun doute, il fait partie d'eux. الذي يبرر لهم ويدافع عنهم لا شك أنه منهم. Celui qui les justifie et qui les légitime et qui les défend, sans aucun doute, il fait partie d'eux. وإن كان يدعي السنة, même s'il prétend qu'il fait partie de la sunna, ويظهر السنة, même s'il prétend qu'il fait apparaître la sunna, لأنه متهم حينئذ عندنا بالنفاق. Et qu'est-ce qu'il dit, Cheikh Ibn Baz? Pourquoi celui-là, eh bien, à partir du moment où il les défend et à partir du moment où il les justifie, il les légitime, eh bien, celui-là, on l'accuse d'hypocrisie, même si, eh bien, il fait apparaître la sunna et il prétend être la sunna. La nusaddiquhu wa la na'manuhu. Selon cette personne, on ne le croira plus et on ne lui fera plus confiance parce qu'il défend les gens d'innovation. لأنه يضر السنة والجماعة. Pourquoi? Parce qu'il est néfaste à la sunna. Il défend les gens d'innovation. Donc il est néfaste parce qu'il se prétend les gens vont être dupés par cette personne. Il défend les gens d'innovation, donc il est néfaste à la sunna et au groupe. وهو أضر على السنة على أهل السنة والأثر من صاحب البدعة الواضح المشتهر. Et cette personne est plus néfaste aux gens de la sunna que l'innovateur clair qui est connu pour son innovation. كما قال الشيخ في الفتوى. نسأل الله السلامة والعافية. فنكتفي بهذا القدر ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Il y aura l'intervention de Cheikh Mohammed al-Imam, bi'idhnillah, dans à peu près 20 minutes, bi'idhnillah, même pas.